avaient les yeux bleus et pas bleus comme la mer qu'on regarde dans les films, qu'on voudrait baiser leur chair humaine. Mais là c'est pas pareil, c'est un bleu dont le sang draine, un état si amoureux que je veux pas zapper de chaîne. Il avait des mains et pas des mains comme les vampires ont celles qui serrent les jolis coups et font croire à un désir ombrelle. Mais là c'est différent, il a deux mains tellement belles que je voudrais qu'il ait le temps de m'arracher toutes les veines. Il sentait si bon et pas non plus comme le savon Noël qu'on met dans les habits pour cacher l'odeur des slips en laine. Mais là c'est autre chose, un poème si homogène et ses paix même tout en prose ressemble à la forêt d'ébène. Il avait des pieds si froids et pas des pieds froids comme le gel. Je voudrais le réchauffer, je veux être un micro-ondes éternel. Je jure que c'est pas du faux et je ne dirai pas amen. Je dis que de bas en haut sa température devient sibérienne. Je dis bien qu'il avait, je dis ça parce que je ne sais si je pourrais goûter à nouveau à l'histoire de ses fesses. Pourtant je veux vraiment, mais quand je dis vraiment, je mange, je mélange les souvenirs au récit d'une peur ivresse. Je voudrais le revoir et pas le revoir sans le voir. Je ne veux pas un au revoir du soir, avoir une fin shakespearienne. Et là ce sera différent, je ne laisserai pas la flemme s'amuser à noir ou blanc, je ne serai pas une vilaine sirène. Je voudrais qu'il choisisse la savane, qu'il n'ait pas peur de la chaleur, que son cœur sous pression propane expose son lardeur et sans gêne. Et ce sera loin du pire, il faut passer la trentaine, de ses pleurs va revenir une nouvelle idée pour la scène. Je dis bien je voudrais, je dis ça parce que je ne sais si je pourrais goûter à nouveau à l'histoire de ses fesses. Pourtant je veux vraiment et quand je dis vraiment je le sens, je désire des souvenirs au récit d'une tendre ivresse. Éphémère goûter au sacré de la pente pour des plaines connues au grand air. Une bouffée sur tous les mots et le sourire en est brûlé. À quoi bon signer qu'à niveau mes lèvres n'ont pas de pavé. Ton temps de nous voir d'un moment, tu fais un repos, sens-tu mes mains? Reflets miroirs sont-elles si chaudes qu'un chalumeau? Dans l'allée, mes yeux de bite voient l'envie de saliver. Dorer ta passion semble style, j'attends car tu dois te centrer.